Le bouddhisme au Tibet, précédé du résumé des précédents systèmes bouddhiques dans l'Inde, par Émile de Schlaginweit, traduit de l'anglais par Monsieur de Miloué. Chapitre 9. Aperçu sur la métempsychose. Renaissance, moyen de s'affranchir de la renaissance. Sukhavati, le séjour des bienheureux. Renaissance. En étudiant le développement du bouddhisme, j'ai eu plusieurs occasions de parler de la métempsychose ou migration de l'âme des êtres animés, comme une des lois fondamentales du bouddhisme. D'après cette théorie, l'âme est soumise à la migration tant qu'elle n'est pas délivrée des causes d'une nouvelle naissance. Les formes sous lesquelles chaque être vivant peut renaître sont sextuples. Premièrement, la plus haute classe est celle des la, esprit, être supérieur, Dieu. En sanskrit deva, ils prennent rang de suite après les bouddhas et habitent les six régions célestes, en sanskrit devalka. Deux de ces régions appartiennent à la terre, les quatre autres, demeures supérieures, sont situées dans l'atmosphère bien loin de la terre. Deuxièmement, la seconde classe est celle des hommes appelés mi. Troisièmement, la troisième classe est celle des lamayens, les mauvais esprits, littéralement non-dieu, en sanskrit asura. Ce sont les adversaires des devas et les plus puissants des mauvais esprits. Ils habitent les régions au-dessous du mont Meru, Lungpo. Quatrièmement, la quatrième classe comprend les brutes, bêtes, dudo ou jolsung. Cinquièmement, la cinquième classe est formée par les hidas, monstres imaginaires représentant l'état des êtres misérables, sanskrit prta. Ils ne reçoivent ni nourriture ni boisson, quoiqu'ils en aient grand besoin. Aussi sont-ils toujours dévorés de faim et de soif. Leur bouche est grande comme le trou d'une aiguille, mais leur corps a 12 000 de hauteur. Sixièmement, la sixième et plus basse classe d'êtres est composée des misérables habitants de l'enfer, Mialba, sanskrit Naraka, lieu d'affreuse punition pour les méchants, qui y sont cruellement tourmentés. Les classes des dieux et des hommes sont les bons degrés de ces six classes. Les quatre autres sont appelées les mauvaises conditions. La classe dans laquelle doit renaître chaque homme dépend des actions, ou travaux, là, qu'il a accomplis, soit dans la vie présente, soit dans une existence antérieure. C'est là la fatalité, tibétain Kalba, des bouddhistes. De bonnes actions impliquent la renaissance dans l'une des classes supérieures. La mauvaise conduite condamne aux mauvaises conditions de l'existence. L'appréciation des actes, c'est-à-dire la détermination du moment où l'existence doit cesser et de la classe où l'homme doit renaître, est l'affaire particulière de Shinje, le seigneur des morts, qu'on appelle aussi Shwajyal, sanskrit Dharmaraja, le roi de la loi. Shinje possède un miroir merveilleux qui lui montre toutes les bonnes et mauvaises actions des hommes. Avec une balance, il pèse le bien et le mal et, s'il trouve que l'existence présente d'un individu doit cesser, il ordonne à l'un de ses serviteurs qu'on appelle aussi Shinje, de saisir l'âme et de la porter devant lui, afin de décider de son avenir. Il arrive assez souvent que le messager apporte une autre âme par erreur, ou parfois à dessein, quand il a été gagné par des offrandes. Le seigneur de la mort, après avoir constaté par son miroir que l'âme amenée devant lui n'est pas la bonne, la renvoie et menace son serviteur d'une punition sévère s'il est prouvé qu'il s'est volontairement trompé. En même temps, il ordonne à un autre de lui amener l'âme désignée qui, en attendant la découverte de l'erreur, est restée tranquille dans son corps. On voit par là que l'on peut prolonger sa vie en se rendant favorable le serviteur du Seigneur et de la mort. Shinje correspond au dieu Yama des Hindous. Les Mongols l'appellent Erli Khan, ou Yamantaka. On a dit à Pallas que les bonnes et les mauvaises actions étaient rapportées par deux esprits, l'un favorable, l'autre méchant. Ceux-ci, par l'ordre de Shinje, apportent l'âme devant lui et marquent le nombre de ses bonnes ou mauvaises actions par des cailloux blancs ou noirs. Shinje les contrôle au moyen du livre Biltantoli, où sont enregistrés tous les actes de chaque individu. Moyen de se délivrer de la renaissance. Les péchés doivent s'expier par la renaissance. Les peines que l'âme souffre pendant qu'elle est soumise à la migration sont considérées comme si terribles, que la religion bouddhiste offre à ses dévots le moyen d'effacer pendant leur existence une partie des fautes qu'ils ont commises. L'affranchissement peut s'obtenir en réprimant les mauvais désirs, par la pratique assidue des vertus, des dharani et des tantras et par la confession. Déjà dans l'histoire primitive du bouddhisme, nous voyons que la confession des péchés est ordonnée. Ainsi les novices devaient accomplir cette cérémonie avant d'être admis dans la congrégation des fidèles, le caractère dominant du culte public, accompli suivant les prescriptions du livre Pratimoksha, et donc celui d'une confession solennelle, Pochada, devant l'assemblée des prêtres. Le renouvellement des vœux sacerdotaux était en réalité le sens primitif de la confession, le dogme qui lui attribue l'entière absolution des péchés. De la racine Tsavanas fut établi par les écoles Mahayana. Jusqu'à ce jour, c'est aussi le caractère de la confession chez les bouddhistes tibétains, qui lui attribue une très grande influence pour obtenir une métempsychose heureuse et pour atteindre Nirvana. La confession, tibétain Sobyong, comporte toujours le sincère repentir des péchés et la promesse de n'en plus commettre. Il est indispensable de solliciter aussi l'aide des dieux, mais il y a différentes pratiques qui peuvent accompagner la vœu et les prières aux divinités pour effacer les péchés. On peut citer comme la plus facile l'usage de l'eau consacrée par les lamas dans la divine cérémonie Twisol, prière pour l'ablution. L'abstinence et le récit de prières fatigantes peuvent y être rejointes. Cette confession porte le nom de Nyungan. Continuez l'abstinence. Ces manières pénibles de se purifier de ses péchés ne sont pas en grande faveur, et la moindre invocation aux dieux passe pour aussi efficace. Les dieux qui ont le pouvoir de remettre les péchés, sont pour la plupart des bouddhas imaginaires qui auraient précédé Sakyamuni, d'autres sont de saints esprits aussi puissants que les bouddhas, tels que les Eruka, les Sanvara, etc. Parmi toutes ces divinités, 35 bouddhas sont plus particulièrement puissants pour absoudre les péchés, c'est à eux que s'adressent le plus souvent les prières des pénitents. Ils sont appelés Tungshakshi Sangyi et Songa, les 35 bouddhas de confession. Déjà dans les deux célèbres recueils Mahayana, le Ratnakuta et le Mahasamaya, on recommande vivement l'adoration de ces bouddhas, et leurs images splendidement peintes ornent l'intérieur de beaucoup de monastères, où ils sont placés à côté des plus illustres des dieux et des prêtres indiens et tibétains. On trouve des prières à ces bouddhas dans presque tous les livres de liturgie tibétaine, ou recueils de prières journalières, tels que le Rapsal, Principale Clarté, Ezunui, Collection de Charmes. Le nombre des bouddhas auxquels on s'adresse n'est pas limité à 35, dans l'une de ces suppliques, dont la traduction compose le chapitre 11, j'en ai trouvé 51. On connaît aussi chez les Bouddhas des traités tibétains où se trouvent plus de 35 Bouddhas de confession. Sakyamuni est un de ces Bouddhas. Dans la prière que je viens de citer, il est appelé de son nom tibétain Sakyatupa et se trouve le 37e sur la liste. Il est dit que, si on prononce ce nom une seule fois, on est purifié de tous les péchés commis dans les existences antérieures. Dans les images sacrées représentant les Bouddhas de confession, sa figure est toujours au centre et la plus remarquable de toutes. Les 34 autres sont plus petites et rangées au-dessus de sa tête. Dans un tableau suspendu dans le temple de Jiungulagnari Korsum, les images de divers personnages sacrés sont ajoutées aux 35 Bouddhas. Parmi ces figures additionnelles, les personnages revêtus du costume des anciens prêtres indiens sont les 16 Netans, Sanskritavira, qui, suivant les livres saints, avait déjà visité Ceylan, Cachemire et le versant sud de la chaîne de Kailasa ou Transsatledge, peu après la première convocation des bhikshus qui suivit immédiatement la mort de Sakyamuni, et avait répandu dans ces contrées les théories bouddhistes. Note. Ksoma donne d'autres noms à plusieurs d'entre eux. Les Netans jouissent d'une grande réputation parmi les Tibétains, qui récitent dans différents cas un hymne en leur honneur, intitulé « Netan Shudrujitotpa, louange des 16 Netans ». La bibliothèque de l'université de Saint-Pétersbourg en possède une copie. Fin de la note. 6 autres prêtres en habit de lama tibétain ont quelques mots écrits au-dessus de son kappa. Le célèbre lama, né en 1355 après Jésus-Christ, est honoré du titre de révérence, est né en 1414. Ketu Sangji est sans doute le Ketu Palji Sangji de Ksoma, né en 1535. Tsul Krim Jatso, groupe Shen, très parfait, est probablement le 10e Dalai Lama, qui régnait de l'année 1817 à 35. Je ne sais rien de remarquable sur les deux autres lamas. Une autre figure en habit chinois a les mots Jeunyun Dharma écrit à ses pieds. Jeunyun, sanskrit, ou Pasaka, indique qu'il appartient à la foi bouddhiste. Dharma est très probablement son nom. Il porte un panier rempli des feuilles d'un livre religieux, probablement le Prajnaparamita, cette mode très ancienne d'employer un panier pour porter les feuilles de palmier, qui dans les premiers temps servait de papier, est encore en usage au Tibet. Les volumes séparés d'un ouvrage important sont réunis dans un panier commun. Sous le trône est la figure de la déesse Lamo. Sanskrit, Kaladevi, avec ses serviteurs, Tsepagmed, Sanskrit, Amitayus, le dieu de longévité, et les 5 grands rois. Sukhavati, la demeure des bienheureux. La délivrance complète de l'existence, ou du monde dans son acception la plus générale, est désignée sous le nom de Nirvana tibétain. Nyangan Ladaspa, par contraction Nyangda. La nature de Nirvana n'est pas clairement définie dans les livres sacrés, ce ne serait du reste pas possible avec un système philosophique dont le principe fondamental est la négation de toute réalité. Aussi les saintes écritures bouddhiques déclarent-elles à chaque occasion qu'il est impossible de définir exactement les attributs et les propriétés de Nirvana. Le Bouddha a aussi montré le chemin d'un bonheur inférieur, qui est la jouissance de Sukhavati, la demeure des saints, où atteignent ceux qui ont accumulé beaucoup de mérite par la pratique des vertus. L'entrée à Sukhavati implique déjà la délivrance de la métempsychose, mais non de l'existence absolue, et ce n'est pas encore la perfection des Bouddhas. En général, les Tibétains d'aujourd'hui ne font pas de distinction entre Nirvana et Sukhavati. Leur idéal suprême est la libération de la renaissance et l'admission à Sukhavati. Mes frères, qui ont souvent pu consulter les lamas tibétains, ont appris qu'une opinion toute particulière s'est maintenant établie au sujet du complet affranchissement de la métempsychose. On admet que ceux qui y sont parvenus n'ont plus aucune notion de leur existence, un lama les comparé à un homme bien portant, pourvu d'un estomac, de poumons, d'un foie, etc., qui ne s'aperçoit rien de l'existence de ses organes. On peut juger de l'importance attachée à la délivrance de la métempsychose par une conversation que mon frère Herman eut avec un lama de Bhoutan. Cet homme avait habité Lhasa pendant le séjour qui firent les missionnaires français Huygaba et avait vu quelques lithographies coloriées représentant notre Seigneur Jésus-Christ et divers épisodes de l'histoire biblique. Il arguait contre la religion de ces missionnaires qu'elle ne comporte point l'affranchissement final. Selon les principes de leur religion, disait-il, la récompense des dévots est la renaissance parmi les serviteurs du Dieu suprême, ils passeront l'éternité à chanter des hymnes, réciter des psaumes et des prières à sa gloire et en son honneur. Ces êtres ne sont donc pas libérés de la métempsychose, qui peut affirmer que s'ils se relâchent de leurs devoirs, ils ne seront pas expulsés du monde où Dieu réside, pour renaître, en punition de leurs fautes, dans le monde des misérables. Les doctrines bouddhistes, concluait-il, sont bien préférables. Elles ne permettent pas de priver l'homme des fruits de ses bonnes œuvres, et s'il peut atteindre une bonne fois la perfection finale, il ne sera plus soumis à la métempsychose. Cependant, s'il désire faire du bien aux hommes, il peut, quand il le veut, reprendre la forme humaine, sans être obligé de la garder ou d'en subir les inconvénients. L'heureuse région Sukhavati, où règne Amitabha, est située bien loin vers l'ouest. En sanskrit on l'appelle Sukhavati, qui abondant plaisir, en tibétain Devachan, l'heureuse, les chinois la nomment Jianlo, plaisir, Kyolo, le plaisir suprême, Singtu, pur ou glorieux pays. Et dans les livres sacrés elle est définie comme la pure région, l'essence de prospérité. Nous trouvons des descriptions de ce glorieux royaume d'Amitabha dans beaucoup de livres religieux. Sukhavati est un immense lac, sa surface est couverte de fleurs de lotus, padma, rouges et blanches, qui répandent un rare parfum. Ces fleurs forment la couche des hommes pieux qui pendant leur séjour sur la terre ont su s'élever par leurs vertus. Ces hommes, après s'être purifiés de leurs péchés, s'envolent dans leurs fleurs de lotus. Les habitants de cet Éden sont invités à une profonde dévotion par les chants merveilleux des oiseaux de paradis et n'ont qu'à souhaiter pour recevoir nourriture et habits sans qu'ils fassent aucun effort. Ils n'ont pas encore atteint l'état de Bouddha, mais ils sont sur le chemin direct qui y conduit. Ils jouissent du pouvoir de prendre la forme humaine et de revenir sur la terre. Dans ce cas ils ne sont point assujettis à la renaissance, mais retournent dans la région qu'ils avaient quittée. La renaissance dans une fleur de lotus du paradis s'obtient en invoquant les Bouddhas et plus particulièrement Amitabha. Cette dévotion, selon le Tsingtunen, traduit par Shot, possède un plus grand mérite que les sacrifices et les mortifications. Markandanarchive.org 2022, d'après Gallica BNF.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.